Chapitre 13. Peut-être bien. Ce que le colonel voulait, c'était n'être pas surpris par la brusque arrivée de Michel, qui maintenant ne pouvait pas tarder beaucoup. Il donna des instructions en conséquence aux gens de sa maison. Le lendemain, comme il se levait, on entra vivement dans sa chambre pour lui annoncer que Michel venait d'arriver. Qu'a-t-il demandé, monsieur Antoine? Mon oncle est-il rentré? Non, monsieur. Alors? Alors, monsieur Michel a demandé mademoiselle Thérèse. Et qu'a-t-on répondu? Je ne sais pas, ou plutôt, on n'a pas répondu. C'est bien. Faites entrer monsieur Michel dans le salon de la serre. Et mademoiselle Thérèse? Ne vous occupez pas de mademoiselle Thérèse, je vais la faire prévenir. Aussitôt que le domestique fut sorti, le colonel passa un veston et descendit au jardin par le petit escalier de son cabinet de toilette. Du jardin, il entra dans la serre, qui, par une porte vitrée, communiquait directement avec le salon où il avait dit d'introduire Michel. Au moment où il arrivait dans la serre, Michel entrait dans le salon, et de derrière le feuillage touffu d'un bambou, il put le regarder un moment sans être vu. Vraiment, c'était un beau garçon. La prison l'avait maigri et pâli, ce qui lui avait fait perdre un peu de son air sombre et dur. Cependant, ses yeux avaient conservé leur éclat. Il était évident, à le regarder, qu'une lutte avec lui serait difficile et demanderait de l'énergie. Il était resté debout, tournant sur lui-même, parfaitement insensible à ce qui l'entourait, à son piétinement, au mouvement de ses doigts, au froncement de ses sourcils se crispant à chaque instant. Il était facile de deviner son impatience nerveuse. Le colonel, suivant l'allée courbe qui aboutissait à la porte de la serre, entra dans le salon. « Ah, monsieur Michel, » dit-il en allant lui, « nous vous attendions, monsieur Édouard. » Et sans trouver d'autres mots, Michel, surpris, salua assez gauchement. Cependant, en ces derniers temps, il avait pris l'habitude de tendre la main au colonel. Après un moment de réflexion, il la lui tendit. Alors, tout de suite, pour échapper à l'embarras qui l'étreignait, il dit qu'il venait de la rue de Charonne. On lui avait appris qu'Antoine, Thérèse et Soriol étaient chez monsieur le colonel Chamberlain. « Nous n'avons pas vu mon oncle depuis samedi soir, » répondit le colonel. « Soriol est sorti ce matin de bonne heure. Quant à ma cousine, » il insista sur ce mot, « elle est dans son appartement. Je vais la faire prévenir de votre arrivée. » Il sonna. « Prévenez mademoiselle Thérèse, » dit-il au domestique qui se présenta, « que monsieur Michel est arrivé et qu'il l'attend ici. » Puis revenant vers Michel, « Nous vous attendons ainsi depuis hier, » dit-il. « C'est hier au soir seulement que j'ai été mis en liberté. J'ai pris le train de nuit et ne suis arrivé à Paris que ce matin. Je suis allé rue de Charonne. Où vous avez été bien heureux d'apprendre le retour en France de mon oncle Antoine et de ma cousine ?»« Oui, bien heureux, » dit Michel d'un air qui jusqu'à un certain point démentait ses paroles. « Nous avons voulu vous prévenir de ce retour, mais il n'était pas prudent de vous faire parvenir dans votre prison. » Une lettre qui serait lue et qui donnerait des renseignements sur un homme se trouvant dans la position de mon oncle. Cette considération nous arrêta. Il y a longtemps qu'Antoine est en France. Je vous demande pardon de vous interroger, mais je ne sais rien. Je n'ai échangé que quelques paroles avec le concierge. Il y a 10 jours qu'ils sont arrivés, le dimanche 28. Précisément, j'étais allé à la barrière de Vincennes voir les travaux de fortification qui ont transformé cette barrière en une porte. En revenant à pied à Paris, sur le cours de Vincennes, j'ai vu une pauvre petite voiture lorraine traînée par un misérable cheval épuisé que conduisait un homme qui de dos ressemblait singulièrement à mon oncle. Je me suis approché, c'était bien lui. Dans la voiture se trouvait Thérèse. Étrange rencontre. Curieuse, en effet. Alors, comme vous devez le penser, je n'ai pas voulu les laisser aller rue de Charonne, où mon oncle se serait fait tout de suite arrêter, et je les ai amenés ici. À ce moment, la porte s'ouvrit et Thérèse parut. « Au reste, » continua le colonel, « voici ma cousine, qui vous expliquera tout cela mieux que moi. » Il s'était éloigné de 2 pas pour faire place à Thérèse. Elle vint vivement à Michel et lui tendit la main. Le colonel ne les quittait pas des yeux. Il vit Michel pâlir comme si son sang venait de s'arrêter au cœur. Ah, comme il l'aimait! Quant à Thérèse, il y avait dans son accueil presque autant de contraintes que de joie. Assurément, elle était heureuse de le revoir, mais ce bonheur n'était pas sans mélange. C'était le camarade, l'ami, qu'elle était heureuse de retrouver. C'était le mari qui l'épouvantait. Au moins, c'était ainsi que le colonel raisonnait. Il n'avait point l'intention d'assister à l'entretien de Thérèse et de Michel. Il y aurait eu là une indiscrétion trop brutale. Ce qu'il avait vu suffisait. Il s'approcha et tendant la main à Michel. « Nous déjeunons à 11 heures, dit-il. « J'espère que vous nous ferez l'amitié de déjeuner avec nous. Je pense que mon oncle sera rentré et que vous pourrez le voir. À Soriol, il m'a formellement promis d'être ici à 10h30. Il est sorti pour s'occuper de vous. Il aura bien des choses à vous dire. » Et sans attendre une réponse, le colonel, ayant adressé un signe de main affectueuse à Thérèse, sortit du salon. « Enfin, dit Michel, je vous revois. Mais pourquoi est-ce ici ? Espériez-vous donc nous revoir chez nous ? Non, je n'espérais pas cela, puisque je ne savais pas votre séjour en France. En allant rue de Charonne, je n'avais qu'une idée, chercher où vous pouviez être pour courir auprès de vous, si vous étiez encore en Allemagne. Quand le père Troche m'a dit que vous étiez à Paris, je vous jure que j'étais bien heureux. Mais quand il a ajouté que je vous trouverais ici, chez monsieur le colonel Chamberlain, mon bonheur s'est évanoui. « Où devais-je être ?» demanda Thérèse en baissant les yeux. « Je vais vous dire où j'aurais été moi, si j'avais été vous. La révolution accomplie, j'aurais pensé, si j'avais été vous, que Michel allait être mis en liberté, et qu'il s'empresserait de revenir à Paris. Alors j'aurais voulu qu'en arrivant, il me trouve à rue de Charonne, dans l'atelier, chez moi, chez nous. Et je vous jure qu'en l'attendant, je n'aurais pas dormi, que j'aurais reconnu son pas dans l'escalier, et que je lui aurais ouvert moi-même la porte. Voilà ce que j'aurais fait si j'avais été vous. Et voilà pourquoi une plainte m'est échappée en vous retrouvant ici. Pardonnez-la moi. N'y voyez que l'injustice d'un amour qui a souffert, cruellement souffert, pendant cette longue séparation. Vous reverrai-je jamais. Mon cousin ne vous expliquait-il pas tout à l'heure que nous n'étions pas rentrés rue de Charonne parce que mon père aurait été immédiatement arrêté? C'était ce qu'il me disait. Et je comprends que vous ne vous soyez pas exposé à ce danger tant que l'Empire était debout. Mais depuis dimanche, l'Empire est mort et c'est aujourd'hui mardi. Depuis samedi soir, mon père est sorti et nous ne l'avons pas vu. Comme Michel avait fait un geste, elle crut qu'il était inquiet d'Antoine. « Oh, n'ayez pas de crainte, dit-elle. Nous avons eu de ses nouvelles dimanche par Horace, l'intendant de mon cousin, qui l'a suivi pendant presque toute la journée, et hier par Denisot, qui l'a vu. Car Denisot aussi est en liberté. » Et elle expliqua, avec une grande abondance de paroles, comme s'il était heureuse de trouver un sujet sur lequel elle pouvait s'étendre librement, comment Denisot était parti avec ses affiches. Mais ce n'était point Antoine que Michel pensait. Par le père Troche, le concierge de la rue de Charonne, il avait eu des nouvelles qui lui avaient ôté toute inquiétude à ce sujet. « Ainsi, dit-il après un moment de silence, vous êtes resté ici depuis samedi. » Thérèse ne voulut pas comprendre ce qu'il y avait dans ses paroles, qui étaient bien plus un reproche qu'une interrogation. « Hier, dit-elle, nous sommes sortis et nous sommes allés rue de Charonne, vous et le colonel, mais sans doute, mon cousin lui aussi avait le désir de voir mon père et de vous accompagner. » Elle regarda Michel en face et une légère rougeur empourpra ses joues. Elle garda néanmoins le silence pendant quelques secondes, mais Michel lui aussi la regardait, et le choc de ses deux regards fit jaillir la flamme qu'elle avait voulu contenir. « Depuis que vous êtes entré, dit-elle, je me suis efforcé de ne pas comprendre vos paroles. Mais ce serait lâcheté de reculer plus longtemps. Qu'avez-vous? De quoi vous plaignez-vous? Expliquez-vous franchement. Et si vous avez des reproches à m'adresser, faites-le tête haute, en face, et non par des insinuations ou des allusions. « Ah, Thérèse !» s'écria-t-il désespérément. « Thérèse !» Elle fut émue par ce cri passionné et touchée de pitié pour cette douleur. « Il y a 5 minutes à peine que nous sommes ensemble, dit-elle doucement, presque tendrement, et nous nous querellons. Pourquoi ? Ne cherchons pas pourquoi ni à qui la faute. Au contraire, cherchons à ne pas penser que nous avons pu avoir des motifs de querelle. Je ne suis pas digne de vous, dit-il, pardonnez-moi. » Puis s'asseyant brusquement sur un canapé, car toute cette scène s'était passée debout, il la força à s'asseoir près de lui. « Racontez-moi comment vous avez quitté l'Allemagne, dit-il. Et vous me parlerez de votre emprisonnement. Oh, cela n'est rien. » Ce qui était terrible, c'était cette condamnation à 15 ans. S'il avait dû s'exécuter jusqu'au bout. 15 ans, l'éternité pour moi. Il y avait près de 2 heures qu'ils étaient en tête-à-tête sans que personne fût venu les déranger quand Sauriol entra avec fracas. « On me dit que tu es arrivé !» s'écria-t-il. « Viens dans mes bras !» Et il embrassa Michel. « Cela est bon, n'est-ce pas, de se retrouver sur le sol natal ?»« À vrai dire, tu ne l'as pas quitté. Mais une prison, ce n'est pas la patrie. Pour moi, mon cher ami, j'ai tout fait en Angleterre. Comprends-tu des originaux qui boivent à fond sans parler et sans écouter ceux qui leur parlent ? À propos, j'étais sorti pour m'occuper de toi, car je n'oublie pas mes amis. Mais le décret était rendu. Tu devais être en liberté, m'a-t-on dit, et tu l'es. Cela prouve que la machine gouvernementale fonctionne régulièrement. J'en suis bien aise. » Puis s'adressant à Thérèse, « Petite, j'ai une bonne nouvelle à te donner. J'ai vu ton père. Comment est-il ? Rajeuni de 10 ans. Ce que c'est que la joie du triomphe. Mais tu vas le voir. Il va venir déjeuner avec nous. Je voulais l'amener avec moi, mais je n'ai pas pu lui faire manquer un rendez-vous qu'il avait donné. Il sera ici à 11 heures. Va-t-il être content de voir ce brave Michel ? Car tu déjeunes avec nous, n'est-ce pas ? Je vais te faire inviter par Édouard. » « Je vous remercie. Le colonel a bien voulu m'inviter lui-même. Eh bien, tu vas voir que l'ordinaire du colonel vaut mieux que celui de la prison. Excellente cuisine, mon cher. Quant au vin, exquis. Hier, pour souper, j'ai vidé une bouteille de Bourgogne délicieux. Tu comprends que pour un homme qui ne buvait plus que de la bière anglaise, je lui ai fait fête. » Tout en parlant, Sauriol se promenait dans le salon, les mains derrière le dos, le képi sur la tête, dans l'attitude d'un officier qui passe une revue. Tout à coup, il s'arrêta devant une fenêtre, car il venait d'apercevoir le colonel qui, avec 2 domestiques, mesurait le jardin. Au moyen d'un cordeau, il prenait la longueur et la largeur. « Que diable faites-vous là ? » s'écria Sauriol. « Vous voyez, je prends des mesures. Est-ce que vous voulez faire construire ?» Le colonel ne répondit point. Mais Sauriol n'était pas homme à se fâcher pour si peu. « J'ai vu Antoine, » dit-il. « Il va venir déjeuner avec nous. Ah, très bien. » Cette nouvelle était sans doute très intéressante pour le colonel, car il abandonna aussitôt son arpentage pour venir dans le salon. « À quelle heure mon oncle doit-il arriver ? » demanda-t-il à Sauriol. « À 11 heures, et vous savez, avec lui il n'y a pas de danger d'attendre. Je ne sais pas comment il fait. Il trouve toujours moyen d'être exact. Est-il curieux ?» Maintenant que Sauriol était entière dans le tête-à-tête de Thérèse et de Michel, le colonel pouvait, sans indiscrétion, rester avec eux. Il aurait même eu une sorte d'affectation de discrétion à se retirer. D'ailleurs, ceux qui se disaient n'avaient aucun caractère intime. Sauriol expliquait la situation à Michel, la situation intérieure aussi bien que la situation extérieure, parce qu'en prison on est mal placé pour savoir ce qui se passe, n'est-il pas vrai ? Tandis qu'à l'étranger, on voit les choses de haut, dans leur ensemble, de sorte qu'on peut les juger. C'était ce que Sauriol avait fait. Il avait un jugement sur tout, les choses aussi bien que les hommes, et ce jugement il le communiquait généreusement à son jeune ami, n'étant pas de ces égoïstes qui, ayant découvert la vérité, la gardent pour eux seuls. Il ne gardait rien pour lui-même, ni ses propres affaires, ni celles des autres, ni ses secrets, ni ceux d'autrui. Michel écoutait avec impatience et ses yeux se tournaient plus souvent vers Thérèse que sur son interlocuteur. Mais Sauriol n'était pas un homme auquel on échappait facilement. S'il voyait l'attention de Michel faiblir, il allait à lui et le secouait par le bouton de son paletot. Pour le colonel, il s'entretenait librement avec Thérèse, mais en examinant avec attention l'attitude de Michel, car pour lui, la lutte avec le jeune ouvrier allait commencer, et elle devrait se poursuivre jusqu'à la fin, sans une minute de trêve, ouvertement, comme un chemin couvert. Il vint un moment où, dans ses explications, Sauriol éprouva le besoin de faire la démonstration du mécanisme de son revolver. Mais à ce moment, le colonel intervint en riant. « Est-il toujours chargé ? » demanda-t-il. Sauriol ne se fâcha pas. « Je crois, dit-il sérieusement, qu'une arme sans munitions n'est d'aucune utilité. Assurément. Aussi, pour tout concilier, l'intérêt de la défense nationale et la sûreté des particuliers, j'ai déchargé mon revolver. » Un malheur est si vite arrivé, même entre les mains les plus habiles. Seulement, je porte mes munitions sur moi. » Et des profondeurs de ses poches, il tira des poignées de cartouches. Antoine arriva à 11 heures. Sauriol avait dit vrai. Il paraissait rajeuni de 10 ans. Une espérance virile enflammait son regard. En entrant, il alla tout d'abord à Michel, avant même d'embrasser sa fille. « Mon brave Michel, te voilà enfin. 15 ans. Tu vois ce que ça dure. L'exil, la prison. Et nous voilà tous réunis, cependant. » On passa dans la salle à manger. Le colonel plaça Michel à la gauche de Thérèse, car il entrait dans son plan d'éviter avec soin tout ce qui pouvait ressembler à de la jalousie ou de l'exclusion. C'était la première fois que Michel s'asseyait à la table du colonel. Il y apporta une certaine contrainte. Non seulement il souffrait moralement, mais encore il se sentait mal à l'aise. Ce luxe le gênait. La présence de Thérèse surtout le troublait. Elle paraissait avoir été élevée dans cet hôtel pour cette grande existence. Non, elle n'était pas faite pour devenir la femme d'un ouvrier. Heureusement, Soriol, en accaparant la conversation, lui permit de se taire. « Eh bien, » dit Soriol, s'adressant à Antoine, « j'espère que maintenant tu vas t'occuper de la question sociale. » La question sociale, c'est la question du pot-au-feu. Et pour ceux qui ne savent jamais s'ils mangeront le lendemain, si leurs femmes et leurs enfants ne mourront pas de faim, si leurs filles ne leur seront pas enlevées par la misère, elle est intéressante assurément. Mais en ce moment, la question du pot-au-feu n'est plus la première pour qui a du cœur. Là-dessus, Soriol expliqua comment Paris devait se défendre, et il en eut pour jusqu'à la fin du déjeuner. Quand on se leva de table, le colonel prit son oncle par le bras et l'emmena dans une pièce écartée. Le moment était venu d'engager franchement la lutte avec Michel, et il ne fallait pas laisser à celui-ci l'avantage de la commencer.